Donc vous écoutez Futur Simple 89.1, nous entamons tout de suite avec Mélanie qui toute l'année nous a rapporté des nouvelles de l'environnement. Donc aujourd'hui, Mélanie, tu vas nous parler de la Journée mondiale des océans. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Bien sûr, puisque la Journée mondiale des océans a lieu la semaine prochaine, je trouvais que c'était un bon timing pour vous parler, pour terminer la saison. Donc, le 8 juin prochain, va avoir lieu la Journée mondiale des océans. Et c'est un moment, quoi, je pourrais dire, idéal pour se rappeler l'importance de cet écosystème qui est vraiment fragile et très diversifié aussi. Donc, pour faire un rappel, la Journée mondiale des océans, c'est une initiative du Sommet de la Terre de Rio qui a lieu en 1992. Mais il a fallu attendre 2008 pour que ce soit reconnu officiellement par les Nations Unies et l'UNESCO. Et depuis, la Journée mondiale des océans est célébrée le 8 juin de chaque année, partout sur la planète. Et au Québec, particulièrement, c'est le groupe Québec Océan, qui, depuis 2008, se fait le porte-étendard des activités de la Journée mondiale au Québec. Le Québec Océan, c'est un groupe de recherche à l'université, basé à l'Université Laval, l'Université du Québec à Rimouski, peut-être ailleurs également, mais c'est une entité de chercheurs. Oui, c'est ce groupe-là, effectivement. Et cette journée est importante pour se rappeler, entre autres, les nombreuses menaces qui pèsent sur nos océans. Ceux-ci sont menacés et fragilisés par différents fléaux, tels que la pêche intensive, la pollution, le réchauffement climatique. Et parmi les preuves les plus concrètes, mentionnant la disparition d'espèces de poissons, la détérioration des récifs coralliens, la pollution des littoraux, ainsi qu'une fonte accélérée des glaces. J'ai sorti quelques exemples. Pour la surpêche, on estime que 75% des espèces commercialisées sont actuellement exploitées au maximum et même surexploitées. Et la plupart des poissons de grande taille, les requins, les thons, les espadons, sont vraiment menacés de disparition à plein échéance. On entend souvent parler du thon rouge, notamment. Oui, d'ailleurs, c'est une des principales préoccupations. Et aussi la pollution. La plupart des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, et encore un nombre significatif de Sud d'Europe et d'Amérique rejettent directement à la mer les effluents pollués de la ville. Et l'agriculture intensive et les rejets industriels sont directement en cause d'un déversement de déchets toxiques et polluants, évidemment. Il y a aussi le réchauffement climatique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. L'activité humaine, on sait, libère de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère et d'autres gaz aussi à effet de serre. Mais ça fait augmenter la température des eaux de surface de l'océan. Et cette hausse de température, ça vient provoquer un blanchiment des coraux. Et ça constitue la fondation là, des écosystèmes marins tropicaux. Mm-hmm. Ça fournit de la nourriture, ça fournit aussi un habitat à une grande variété d'organismes. Donc, le réchauffement climatique, il va faire aussi fondre la banquise qui recouvre les océans, mais il va aussi le dégrader en soi. Mm-hmm. Et les espèces qui ne peuvent s'adapter à ces changements, ben, vont disparaître. Et c'est autant une perte pour la faune et la flore là, qui peuplent les régions des pôles que partout sur la planète. Il y a aussi l'acidification des océans. Ben, ça, plus il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus il est absorbé par l'océan, puis ça va rendre l'eau plus acide. Et cette acidification-là fragilise les coquilles et les squelettes externes de plusieurs micro-organismes à la base de la chaîne alimentaire. Dans les coraux, peut-être, également? Oui, ça en fait, tout ce qui a une genre de coquille va être touché à ce niveau-là. Et ils vont finir par mourir ou ils ne vont pas se développer normalement. Puis ça réduit aussi la calcification des coraux. Et ça va les mettre en danger là, près de 75% des récifs coralliens dans le monde. Et d'ailleurs, le groupe Québec Océan donne sur son site Internet quelques conseils pour devenir plus responsable envers les océans. Alors, allons-y de ces conseils. Tout d'abord, ils nous encouragent à visiter les parcs marins et les aquariums parce que c'est grâce à ça qu'on va découvrir les richesses de la mer et on va apprendre à les connaître aussi. On protège ce qu'on connaît. Exactement. Et en deuxième, on a encouragé les pêcheries durables. Il faut privilégier les fruits de mer et les poissons qui sont pêchés sans détruire les habitats marins et les stocks en péril. On a aussi consommé moins et intelligemment. Donc, ça, c'est acheter localement pour diminuer le transport routier et maritime. Donc, on diminue la pollution, en fait. Réduire l'émission de CO2, c'est utiliser les transports en commun, la marche, le vélo pour réduire ses impacts négatifs du réchauffement climatique et de l'acidification de l'océan. Ne laisser que des empreintes sur la plage. Garder le littoral propre en ramassant les déchets lors d'une marche ou des activités communautaires. On voit souvent des plages qui sont très sales, là. Et c'est souvent l'activité humaine. Et donc, aussi faire des choix écologiques, ben, utiliser des produits nettoyés qui ne sont pas toxiques et qui vont réduire la quantité de sacs et de bouteilles de plastique qui vont être utilisés. Donc, en terminant, je vous dirais, si vous voulez plus de détails sur cette journée, allez visiter leur site Internet qui est jmo.quebec-océan.ural.ca. JMO, oui, comme le jour mondial des océans, .quebec-océan.ural.ca. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mélanie, de nous aviser de cette journée. C'est parce que tellement de choses en ce moment dans l'actualité qu'on a tendance à oublier ces choses-là, ces journées mondiales de l'océan. De même que Rio+20, ça doit arriver bientôt dans le décor, normalement, mais on n'entend pas beaucoup parler.